Vous êtes bien sur Fadjet 94.2 et c'est l'heure de retrouver l'émission Les bons plans solidaires animée par Damien. Et c'est parti pour une nouvelle édition de l'émission Les bons plans solidaires qui vous est proposée par le GSA, le groupe solidaire actif de l'association Arelia. La Dream Team ce mois-ci va comme toujours vous proposer des bonnes idées, des conseils, des infos, des bons plans pratiques et surtout très économiques, voire gratuites. Alors nous commencerons l'émission aujourd'hui avec Alain qui nous a concocté une délicieuse recette de saison du coup avec la météo capricieuse. Nous retrouverons Loïc, notre spécialiste culture geek, qui va nous parler cinéma, livres et événements et autres surprises. Ensuite, nous aurons notre première pause musicale avec Cover Me in Sunshine de Pink et Willow Sage Art. Ensuite, pour notre deuxième partie d'émission, nous accueillerons Bertrand, notre spécialiste conseil conso juridique qui nous donnera quelques informations pratiques. Ensuite, nous aurons Laetitia qui va nous parler des origines et traditions de Pâques. Nous aurons ensuite notre deuxième pause musicale, Je veux du soleil du groupe Au Petit Bonheur. Et pour notre troisième partie d'émission, nous aurons Logan qui va nous parler d'un atelier participatif auquel il participe. Nous retrouverons encore une fois notre spécialiste culture geek qui reviendra pour nous parler des boîtes à livres et autres événements. Et ensuite, pour finir, nous aurons Lionel pour les anniversaires de stars. Donc vous voyez, le programme est bien chargé, alors on commence tout de suite. Alors maintenant, nous accueillons tout de suite Alain. Bonjour Alain. Bonjour Damien. Alors, comment vas-tu Alain ? Très bien, le soleil est revenu. Eh ben super. Alors toi, aujourd'hui, tu nous as concocté une recette délicieuse. C'est la surprise de la Lorraine. La quiche Lorraine au Larbogien. Il faut prendre une pâte feuilletée fraîche. Un plat à tarte rond de 30 cm. Prendre de la pâte, la plaquer au fond du plateau et sur les côtés. Couper le surplus de la pâte. Avec une fourchette, piquer la pâte. Acheter un morceau de lard fumé et coupez-le en petits morceaux. Prenez un bol et cassez 4 œufs entiers. Rajoutez la moitié d'un petit pot de crème. Mélangez les œufs, la crème et mettre sur la pâte du moule. Ajoutez les 10 de lard fumé. Enfournez au milieu du four à 230 degrés, entre 15 et 20 minutes. Mangez les produits lorrains. À bientôt! Eh bien, merci Alain pour cette délicieuse recette. J'ai hâte de pouvoir la tester. Et je suppose qu'on peut l'accompagner d'une petite salade verte. Oui, salade verte, une prise de la scarole, s'il vous plaît. D'accord, merci, super Alain. Et maintenant, il est temps de retrouver Loïc, notre spécialiste culture geek. Bonjour Loïc. Salut Damien et bonjour à tous nos auditeurs. Et oui, me revoilà avec ma chronique culture geek, mais comme vous le savez, j'aime apporter ma petite touche de fraîcheur. Alors aujourd'hui, côté film, je vais vous proposer un petit jeu surprise. Et en troisième partie d'émission, côté littérature, nous allons nous pencher sur cette petite bibliothèque gratuite que vous pouvez croiser dans les rues de vos villes. Et enfin, côté événement, nous allons parler du festival de l'IRTS. Commençons dès maintenant ce petit jeu surprise que je vous ai concocté. Le principe est simple, il suffit de deviner les deux films que je vais vous proposer. Alors à vos marques, prêts, partez. Premier indice, il s'agit d'un film réalisé par Peter Cattaneo. Harry Potter. Non. Deuxième indice, l'histoire se déroule à Sheffield en Angleterre qui connaît un fort taux de chômage. C'est Animaux Fantastiques. Ah oui, je sais. Non. Non. Ah. Attends, un fort taux de chômage. Et c'est, oui, c'est... Les chômeurs. Allez, faut vous aider. Ah, les gilets jaunes à Londres, non? Dernier indice. Les Chippendales viennent dans cette ville et vont ouvrir les yeux à notre héros qui s'appelle Gaz. Mais oui. Ah, les Chippendales. Les chômeurs anglais qui font une nouvelle activité. Qui oui, créent... je vois, mais je me rappelle oui, plus. Oui, attends. En plus, bon, pour... Vous l'avez pour... au bout de la langue, c'est bien du ouais. film The Full Monty. Ah, sorti bah voilà, The Full Monty. Et Eh bien, vous savez quoi? Il sera projeté gratuitement en version originale sous-titrée français à Nancy le mardi 26 avril à 20h, plus particulièrement à l'IECA, l'Institut Européen du Cinéma et de l'Audiovisuel. C'est une comédie dramatique, mais je vous laisse le suspense et je vous conseille vivement d'aller le voir car il est exceptionnel. Réservation obligatoire et plus d'informations sur cruz-lorraine.eventbrint.fr. Alors, on finit la partie cinéma avec ce deuxième film à deviner. Premier indice, il s'agit d'un film de James McTague. Oh. Allez, j'attaque avec le deuxième indice parce qu'il est très facile, ce deuxième indice. La lettre V et un fameux masque. Je l'ai vu, de toute façon, elle a zioté sur ta feuille, Si, t'as triché, je t'ai vu. De quel film s'agit-il? Bien joué Laetitia, c'est V comme Vendetta sera lui aussi projeté gratuitement au même endroit le mardi 3 mai à 20h en version originale sous-titrée français. Pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que ce film a connu un immense succès et il se peut que la même chose se réalise pour aller le voir gratuitement. Il s'agit d'un film de thriller mais aussi de science-fiction. Plus d'informations et réservations obligatoires sur cruz-lorraine.eventbrint.fr. Eh bien, merci d'avoir participé à ce petit jeu. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous avez trouvé les bonnes réponses et que vous vous êtes bien amusés. N'hésitez pas à profiter de la gratuité de ces œuvres pour aller les regarder. Les deux films valent le coup d'œil, je vous le garantis. Eh bien, merci Loïc pour ces superbes infos. Et donc, tout de suite, le moment est venu de vous offrir notre première pause musicale avec Cover Me in Sunshine de Pink et Willow Sachertz. I've been dreaming, friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine people laughing. I know someday we will. And even if it's far away, get me through another. Et c'est déjà notre deuxième partie d'émission. Et n'oubliez pas que vous êtes toujours sur Fadjet 94.2 ou Fadjet.net avec la Dream Team pour l'émission des bons plans solidaires. Et maintenant, nous retrouvons Bertrand. Bonjour Bertrand, comment vas-tu? Bonjour Damien, ça va? Alors toi, tu es notre spécialiste conso juridique. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet qui n'est pas commun. Je te laisse la parole. Oui, c'est un sujet qui a l'air un petit peu trivial. Il s'agit de savoir si les grandes surfaces doivent disposer de toilettes télémètres à disposition du public. Alors, les grandes surfaces sont des établissements recevant du public et, en principe, l'article 67 du règlement départemental sanitaire dispose que les établissements ouverts ou recevant du public doivent être aménagés en nombre suffisant. Enfin bref, ils doivent comprendre des cabinets. Et en fait, finalement, non, parce qu'il y a une disposition dans le... code de construction et d'habitat qui dispose qu'ils en sont dispensés, il leur suffit de respecter le code de construction et d'habitat. Donc les commerces ne sont pas censés mettre des toilettes à disposition du public. Donc quand tu parles de commerce, c'est tout ce qui est grand centre commercial type... Grand centre commercial, ouais. Petits centres commerciaux. D'accord. Et en ce qui concerne les restaurants, alors Alors, les restaurants n'obéissent pas aux mêmes règles. Eux, ils sont obligés de mettre à disposition de leur clientèle des toilettes parce que c'est un arrêté ministériel qui a pris cette décision. Donc, même s'ils respectent le code de la construction et de l'habitat, ils sont quand même obligés de... Ils ne sont pas dispensés d'observer l'article 67 du règlement départemental sanitaire. Eh bien, d'accord, Bertrand. Et du coup, toutes ces informations, on peut les retrouver. À mon avis, il doit y avoir possibilité sur le site du gouvernement.fr et puis on tape toilettes publiques dans les centres commerciaux. Eh bien, super. Merci, Bertrand. On te remercie pour ces bonnes infos. Et il est temps de retrouver Laetitia. Bonjour Laetitia. Salut Damien, bonjour tout le monde. Alors, toi aujourd'hui, tu vas nous parler des origines et traditions de quelle fête ? Pâques, bien évidemment. Pâques. Alors vas-y, dis-nous tout. Alors, le chocolat, les cloches, le repas familial, le week-end de Pâques est synonyme de fête pour les petits et les grands. Mais quelle est l'origine de cette fête religieuse ? Et que signifie-t-elle ? Alors, on fête quoi à Pâques ? Pâques est une fête religieuse qui commémore la résurrection de Jésus pour la religion chrétienne. Pendant les 3 jours avant cette date, les cloches s'arrêtent de sonner en signe de recueillement et de deuil à la veille de la crucifixion du Christ. C'est une fête qui est célébrée selon les années entre le 22 mars et le 25 avril. La pensée juive, elle commémore l'exode des Hébreux hors d'Égypte et les fêtes durent 8 jours. Alors, l'œuf est un symbole de renouveau. L'œuf s'offre la nuit de Pâques, à la fois pour fêter la résurrection et pour rompre les 40 jours de privation imposés par le carême. Dans l'Antiquité, les Perses les teignaient en rouge pour fêter le nouvel an qui tombait au début du printemps. À partir du XIIIe siècle, la coutume d'offrir des œufs se répandit en Occident. L'œuf de ferme chez les pauvres, œuf en or richement décoré chez les nobles, tels les célèbres œufs de Fabergé, à la cour de Russie à la fin du XIXe siècle. Alors, le chocolat, une tradition gourmande. La coutume consistant à offrir des friandises à Pâques commença avec des simples œufs de poule frais. Ceux en chocolat apparurent au XVIIIe siècle, lorsqu'on coula du chocolat dans une coquille vide. Leur fabrication fut simplifiée par le développement au XIXe siècle de moules en fer de différentes formes. Dans la tradition catholique, les cloches restées muettes la semaine sainte se remettent à sonner pour annoncer le jour de Pâques et on dit aux enfants que ces cloches partiront à Rome, rentrant en semant sur leur trajet les œufs et d'autres douceurs chocolatées. Et le saviez-vous ? Dans d'autres pays d'Europe, les messagers de Pâques ne sont pas les cloches. Au Tyrol, par exemple, c'est la poule. En Suisse, c'est un coucou. En Allemagne, un lapin blanc. Et dans les pays anglo-saxons, un lièvre. Eh ben voilà, cool. Mais d'ailleurs, je trouve ce qui est un peu bizarre, c'est que chez nous, en France, c'est les cloches qui pondent des œufs. Et dans les autres pays, c'est des animaux, quoi. Surtout le lièvre. Bah, le lièvre est connu pour pondre des œufs. Eh ben, merci Laetitia pour ces bonnes infos. Et le moment est venu de la seconde pause musicale avec le titre « Je veux du soleil » de « Au petit bonheur ». À tout de suite. Tu sais, allez, je... Et vous êtes toujours sur Fadjet 94.2 et Fadjet.net. Et nous attaquons la troisième partie de l'émission avec Logan. Bonjour Logan. Bonjour Damien, bonjour à tous. Logan, je sais qu'aujourd'hui tu souhaites nous parler de quelque chose qui te touche particulièrement. De quoi s'agit-il ? Oui, aujourd'hui je souhaite parler d'une activité que je fais avec un certain prof Mathieu. Je fais de la création. Ah bah cool. Et ça se passe où ? Ça se passe à Lunéville, à l'étape des terrasses de Méon. Alors à quoi consiste ton activité ? Je fais des lampes avec du recyclage et du récupérage d'objets. Super, alors comment vous faites ça ? Nous utilisons des objets récupérables et des vieux spots, des ustensiles de cuisine, des fours à micro-ondes. Nous les démontons pour en récupérer des parties, puis nous les rassemblons, nous les soudons et nous les équipons d'électricité pour des lampes. C'est drôlement joli. Et ces objets que vous faites, vous les exposez, on peut les voir quelque part ? Oui, du coup, vous pouvez les voir sur GSA Online. D'accord, sur notre site. Oui, sur votre site. D'accord, donc Facebook, GSA, Arelia. Oui. Voilà, on va poster ça dès cet après-midi. D'accord, ok. Et du coup, aussi, je voulais vous dire que ces objets sont vendus exprès pour faire une petite sortie à la Cité des Sciences de Paris. Ah, super. Eh ben, nickel, merci Logan. De rien, au revoir tout le monde. Et voilà, et ben nous revoilà avec Loïc qui, là, cette fois-ci, va nous parler des boîtes à livres et un autre événement un petit peu spécial. Vas-y, Loïc. Exactement, on poursuit notre voyage dans le monde de la littérature. Est-ce qu'il y a des personnes parmi les chroniqueurs qui ont déjà croisé les fameuses boîtes à livres ? Oui. Oui, ouais. Alors bon, je vais quand même expliquer ce que c'est. C'est des petites bibliothèques mises à disposition pour tous dans les rues de beaucoup de villes aujourd'hui. C'est un phénomène qui se répand de plus en plus en France. On peut en trouver presque partout désormais, dont à Nancy. Le principe est très simple, on peut y déposer des livres et en emprunter aussi. Tout cela gratuitement. Rien de mieux que de partager la culture littéraire. Et croyez-moi, on peut y trouver de véritables bijoux. J'en ai déjà fait l'expérience et j'ai déjà trouvé les livres à succès de J.K. Rowling ou encore le célèbre livre Le Parfum de Patrick Susskind, mais encore mon écrivain préféré, Bernard Werber. Vous l'aurez compris, on peut y trouver tous les genres et encore une fois, gratuitement. Alors avec les beaux jours du printemps, rien de mieux que d'en profiter pour prendre l'air et lire tranquillement dans l'un des nombreux parcs de Nancy et ses alentours. Allez, on termine notre voyage avec un événement qui aura lieu dans un petit peu moins d'un mois dans les villes de Nancy et de Ban-Saint-Martin du 2 au 8 mai 2022. Il s'agit de la 24e édition du Festival du film d'action sociale organisé par l'IRTS de Lorraine, dont le but est de valoriser et de faire connaître la production audiovisuelle documentaire de l'action sociale auprès des étudiants, des travailleurs sociaux et surtout du grand public. Cette année, plus de 250 films ont participé à la compétition et il y a différentes catégories qui distribueront chacune une récompense, dont le fameux prix de la solidarité que le GSA aura l'honneur de remettre. Nous comptons aussi la catégorie Regard étudiant par le jury de l'IRTS et Regard social constitué de professionnels du travail social. Pour rappel, l'IRTS est l'Institut régional du travail social. Pour finir, cet événement est complètement gratuit et vous propose un très beau programme dont une projection en plein air. Plus d'informations sur www.irts-lorraine.fr. Eh bien, merci Loïc pour toutes ces bonnes infos. Et du coup, oui, n'oubliez pas, les gens du GSA, on est jury. Eh oui. La fin de l'émission approche à grands pas, mais pas avant de retrouver notre acolyte Lionel et les anniversaires de stars nés en avril. Bonjour Lionel, comment Salut vas-tu? Salut tout le monde. Alors vas-y, quelles sont les stars aujourd'hui? Alors attention, c'est un petit jeu qu'on va faire ensemble, vous devez trouver qui est l'invité mystère ou qui est du moins la personnalité qui va fêter son anniversaire au mois d'avril. Le premier est né le 12 avril, il aura donc 67 ans demain. Si je vous dis qui fait partie d'un groupe de rock français sans doute le plus populaire. Le téléphone. Oui, donc qui ça pourrait être? C'est pas Richard Colinka. Jean-Louis Aubert. Oui, c'est Jean-Louis Aubert. Bravo. Il aura donc 67 Valérie. Ans. Valérie. Bien joué, Valérie. Alors, on continue. Cette fois-ci, c'est une productrice, auteure et actrice qui est née le 15 avril 1950. Elle a fait partie d'une troupe peu de théâtres et de cafés-théâtres extrêmement célèbres. Ça vous dit quelque chose à Paris? Le Moulin Rouge? Non. Alors, ils ont fait trois films d'une même série. Ah, dans Les Bronzés font du ski. Oui. Dans Les Bronzés font du ski. Ouais, ouais, voilà, c'est... Balasco, Balasco. Oui, non, mais je voulais le dire, j'ai cherché son prénom. Elle aura donc 72 ans le 15. Ensuite, si je vous dis, elle est née le 18 avril 1964, que son vrai nom est Isabelle Marie-Anne de Truchy de Varennes. Quoi? Elle est chanteuse. Ah, elle est très célèbre. Elle est française. Zazie. Oui, Zazie. Wow. Bravo. Oh, bah, c'est Valérie qui lui a dit. C'est ton petit gars qui te l'a dit. Ensuite, si je vous dis qu'il est né, c'est un homme, il est né le 23 avril 63. Il est très connu surtout par son grand-père et son père. Son grand-père était un sculpteur et son père était un acteur de cinéma extrêmement populaire. À Castaldi? Oui, moi aussi, j'ai dit. Non. Ah, non. Il est quoi? Il fait quoi dans la sans vie? Doute l'acteur... Belmondo. Alors, le... Jacques Belmondo. Non, donc, son père, c'était Jean-Paul Belmondo. Ah, le fils. Le fils. Qui est pilote, je crois, en plus. Oui, qui est pilote aussi. Paul Belmondo. Paul Belmondo. Ah, oh, voilà, bravo. Ouais. Il a le même prénom que son grand-père. Oui, mais... Pourquoi, c'est un pote à toi? Oui, je vais boire des verres avec. Oui, carrément. Alors, on continue. Si je vous dis qu'il aura 50 ans, le 28 avril, c'est un animateur de radio très connu. On l'a vu à la télé. Et maintenant, il fait des émissions très célèbres, je crois, sur Énergie. Coé. Ah oui, Coé, ouais. Oh là là. C'est Coé. Énergie 12, la chaîne préférée de Loïc, ça. Alors, le dernier. Le dernier. Il est né le 13 avril 1953 et donc il aura 69 ans après-demain. Il est connu dans le monde entier. Il est né en Angleterre. Oh bah. Il est aussi connu que la reine, dont il est d'ailleurs à Elton son service. John. Non. Son papa s'appelait Ian Fleming, qui a écrit 12 livres à son sujet. Mais après le décès de Ian Fleming, 10 autres écrivains écriront aussi sur sa vie. Sa vie et ses aventures ont été interprétées au cinéma par 6 acteurs différents depuis 1961. Le premier était Sean Connery, le dernier était Daniel Craig. James Bond. Oui. Merci encore Valérie. Ah, c'était un... Ah, moi je cherchais un chanteur. En fait, ça va plus fort, voilà. Si vous voulez savoir. Oui, c'était une mission. Eh ben super, merci Lionel pour ce petit jeu bien sympathique. Okay. Et voilà, l'émission Les BPS est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et dernière petite info, n'oubliez pas le gros événement en ce moment au cœur de Nancy, la fête foraine qui a commencé depuis le 1er avril et qui vous accueille jusqu'au 1er mai 2022. Le grand retour de la fête foraine Place Carnot et Cours Léopold à Nancy après 2 ans d'absence à cause des événements sanitaires. Et pour plus d'informations sur les horaires d'ouverture et de fermeture, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook La Foire Attractive de Nancy et vous aurez toutes les infos, attractions, stands, restauration. Voilà les amis, et dans quelques instants, il sera l'heure de retrouver nos copains de l'équipe du 13 en forme pour les news et le mag, et vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur fadjet.net et nous envoyer vos bons plans par mail sur le gsa@arelia-asso.fr. Nous, on se retrouve le mois prochain, même heure, même endroit, pour de nouveaux bons plans solidaires. D'ici là, portez-vous bien à toute l'équipe et je vous souhaite une belle journée sur Fadjet 94.2 et surtout, prenez soin de vous et des autres. Joyeuse Pâques!